never break. Take you to a dark shade of gray. Warm you like a sun that'll never fade. Oh, oh, oh, oh, oh. This is power. This is power. This is power. This is power. Power. Power. Every heart of 100 souls. You could be the fire to kill the cold. I'll break you like a rock that could never hold. Oh, oh, oh, oh. This is sur Sudekweb. Ho, ho, ho. La seule web radio qui vous accompagne pendant les fêtes de fin d'année. Joyeux Noël. My favorite radio station. Radio. You're on the radio number one. Number one. Une école, une radio et vous. préféré. Envoie tes messages vocaux en un clic. Et réagis en direct à la radio avec Voxem. C'est trop bien. Avec Voxem, donne ta réponse au jeu. Participe au débat et lâche ta dédicace. Lâche ta dédicace. Voxem, quand tu veux, où tu veux. Découvre toutes les fonctionnalités de Voxem en téléchargeant gratuitement l'appli sur iOS ou Android. Voxem, vivez la radio autrement. Happening. It's This is how it goes. Radio et